Joué doit te filer. On se met où la lumière est amusée. Y'a du monde, évitons de faire du bruit. Toi porte où t'es, tu veux t'amuser. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a qu'une vie. La retire tes talons, pour ça faut du talent. On ne s'arrête pas même si quelqu'un vient taper à la porte. C'est moi ton étalon, même noir je suis galant. Fais le vide et ferme les yeux, là on se téléporte. Tu sais ce qui t'attend, yeah. Pendant un temps on va arrêter le temps, yeah. Oui tu sais ce qui t'attend, yeah. On s'en fout tant que personne nous entend, yeah. On peut attendre mais c'est aussi bien isolé. On pourra faire ce qui te plaira. L'envie est plus forte, on a un peu picolé, yeah, yeah. Même si tu fermes les yeux, tu verras. Ouh, ouh, yeah, mieux côté l'autre. Ouh, ouh, yeah, mieux côté l'autre. Si on se fait cramer, on aura de quoi rigoler, yeah, yeah, yeah. On n'a qu'à faire ce qui nous plaira, mmh, yeah. Si tu pouvais lire dans mes pensées, là tu verrais le mal qui sommeille en moi. Qui peut t'arrêter quand t'es lancé? Toi t'aimes trop ça et c'est pas normal. Mmh, yeah, yeah, yeah, yeah. Dis-moi à quoi tu veux qu'on joue. Je sais que tu peux le faire tous les jours et c'est pas normal. Mmh, yeah, yeah, yeah, yeah. Quand tu descends, fais comme si de rien n'était. Mmh, yeah. Tu sais ce qui t'attend, yeah. Pendant un temps, on va arrêter le temps, yeah. Oui, tu sais ce qui t'attend, yeah. On s'en fout tant que personne nous entend, yeah. On peut attendre mais c'est aussi bien isolé. On pourra faire ce qui te plaira. L'envie est plus forte, on a un peu picolé, yeah, yeah. Même si tu fermes les yeux tu verras. Ouh ouh yeah, mieux côté l'autre. Ouh ouh yeah, mieux côté l'autre. Si on se fait cramer on aura de quoi rigoler, yeah, yeah. On n'a qu'à faire ce qui nous plaira. Si on se fait cramer, on aura de quoi rigoler, yeah, yeah, yeah. On n'a qu'à faire ce qui nous plaira.